Can I talk? Énergie Nouvelle-Calédonie. Énergie 93.5. Nous souhaitons une très bonne fête à Lucas Énergie, les 6h01. Et regardez dans le ciel, il y a pleine lune. Dans le ciel. L'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Et c'est l'heure de l'info avec Delphine, bonjour. Bonjour JB, bonjour tout le monde. L'université de Nouvelle-Calédonie amorce son virage numérique pour la rentrée 2018. Ce sont 2500 mètres carrés de locaux haute technologie qui seront destinés à la recherche avec l'installation d'outils de pointe. Le Galaxy Note 7 est désormais interdit dans les avions calédoniens. En cause les problèmes de batterie en raison de risques potentiels d'incendie. Mercredi, jeudi et vendredi, les services techniques et certains autres services municipaux seront fermés à Poum après l'incendie d'une pelle hydraulique d'une valeur de 30 millions. Et puis la CCI lance l'alerte auprès des entreprises. Un escroc contacte des comptables de grandes entreprises pour effectuer des virements. Les pompiers de Nouméa font leur grand retour en photo dans un calendrier brûlant. Plus sérieusement, les recettes seront destinées à financer des projets et améliorer leurs conditions de travail. Le frère de Salah Abdeslam lui demande de s'exprimer. Les avocats de Salah ont annoncé le 12 octobre qu'il renonçait à assurer la défense du djihadiste en raison de son mutisme. François Hollande, déstabilisé depuis plusieurs jours par des confidences explosives à des journalistes, s'est montré combatif lundi en Lorraine pour défendre son bilan à Florange. L'Autriche, elle, a décidé de raser la maison natale d'Adolf Hitler pour éviter que la bâtisse vide depuis plusieurs années ne deviennent un lieu de pèlerinage néo-nazi. Enfin, l'offensive lancée sur la ville irakienne de Mossoul, bastion de l'organisation État islamique qui la contrôle depuis juin 2014, a commencé. Allez, prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 6h30. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Bien démarrer la journée, c'est le Morning Energy. Avec Matériau Center, l'univers des matériaux de construction à Ducos, Zico Paita et Point Boot. On va vous donner un petit coup de fil, mais attention, à partir d'aujourd'hui, ça va être un peu plus compliqué. On va être à 10 chiffres. Ouais, ça se passe pas ici, ça se passe en France. Et ça se passe le 18 octobre 1996. Je vous raconte ça dans un instant. Je ne le dirai qu'à toi, ne le dis à personne. Il ou elle a fait, je crois qu'il y a du mal donne. Ça m'étonnerait vraiment que quelqu'un lui pardonne. J'entends des bruits de couloirs au loin qui résonnent. Que ce soit vrai ou faux, tout le monde en fait des tonnes. Qu'est-ce que tu me parles de ma vie, tu sais nada. T'es de ces personnes qui m'y tonnent grave. C'est vrai que t'es gentil mais t'es pas fiable. Encore plus fort que le mec qui n'a pas de défaut. Un tel et un tel sont ensemble mais c'est vrai. C'est le mytho du coin qui raconte ça. Il a gagné au loto et zappé la mise. Quand le bonheur s'approche les jaloux pas. Tu l'as quitté d'après ce que tu racontes. Elle t'a quitté d'après ce qu'elle raconte. Chacun sa raison, tout le monde parle. Mais chacun sa version. Laisse les croire, laisse les acter. T'es pas l'hypocrisie, on gravit les paliers. Éloigne-moi des soucis, je suis fatigué. C'est pas leur temps. Je m'en saillais. Non, tu n'as pas idée. C'est chaud. Pourquoi verbaliser? C'est chaud. L'ambiance est validée. C'est chaud. Le terrain balisé. C'est chaud. Laisse-les parler. Demain on aura zappé. Laissez-les courir. Laissez-les parler. Laissez-les courir. L'ambiance est validée. C'est chaud. Le terrain balisé. C'est chaud. Laisse-les parler. Demain on aura zappé. D'énergie, c'est un jour un événement. Allez, on va parler de téléphone en ce 18 octobre 1996. La France adopte effectivement le numéro de téléphone à 10 chiffres. Alors ça se passe à 23h. La France métropolitaine est donc désormais découpée en 5 zones de numérotation et le nombre de chiffres passe de 8 à 10. France Télécom sort ce système pour répondre à l'augmentation croissante des usagers. Et notre numéro de téléphone à nous, c'est facile, c'est 05 34 34. Oh oui. Et voilà, pour toute info ou tout autre contact avec la radio, n'hésitez pas, c'est un numéro gratuit. 05 34 34. Énergie Nouméa. 93.5. Les bois du Pacifique. Essence noble, bois de construction, agencement. Découvrez toutes les nouveautés des bois du Pacifique sur Facebook et profitez de notre expertise et de notre espace bois à Ducos. Facebook Royal Canin NC. Ah, vos animaux vont adorer. Royal Canin, la santé animale passe par une bonne alimentation. Job d'été en province sud, tout le monde connaît. Au départ, c'est un petit boulot et puis ça devient une grande expérience. Ça concerne les jeunes scolarisés ayant entre 16 et 26 ans et les entreprises. Ce qui est nouveau cette année, c'est que pour s'inscrire, il faut se connecter sur www.mige.asso.nc. L'inscription, le CV, tout se fait en ligne. C'est tellement plus facile. C'est en ce moment que ça se passe. Alors va sur www.mige.asso.nc, clique sur le logo Job d'été et laisse-toi guider. Que vous soyez dans la Lune ou les pieds sur Terre, tous les jours, découvrez signe par signe ce que vous réservent les astres pour votre avenir avec les bijouteries Chloé et Maison de la Montre, Centre-Ville, Port-Plaisance et Bellevue. Santé, finances, famille, carrière et amour. C'est l'horoscope sur énergie. Personne n'ose l'avouer, mais tout le monde va l'écouter. L'horoscope avec les bijouteries Chloé et Maison de la Montre, Centre-Ville, Port-Plaisance et Bellevue. Station. Énergie Nouvelle-Calédonie. Énergie, it's music only. dormais sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire, pourvu que les hommes nous regardent. Sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire, pourvu que les hommes nous regardent, amoureux de l'ombre et du pire. T'aimer sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire, pourvu que les hommes nous regardent. Rendez-vous dans le Morning d'Énergie avec Matériau Center. Réalisez vos projets sur www.matériaucenter.nc. Encore une semaine de vacances, alors pour occuper vos enfants, et bien faites-les donc râper. Non, pas les carottes, hein, ni les chouchines, non, non, non, comme ça. Et oui, il y a des records à établir. En effet, le rappeur de Los Angeles, Murs, c'est lui qu'on vient d'entendre, s'est lancé un pari un peu fou, devenir le détenteur du record mondial du plus long freestyle. Puisqu'il n'existait pas encore de performance similaire enregistrée dans le livre Guinness, le Californien s'emparait donc automatiquement du record s'il parvenait à tenir au minimum une journée entière. 24 heures donc, avec des pauses de 5 minutes autorisées toutes les heures. Un sacré challenge quand même, et finalement, mission accomplie et record en poche pour Murs, lequel a donc passé toute sa journée à balancer du lourd, en prenant notamment les plus grands tels que Dr. Dre, Tupac ou encore Ice Cube. Chapeau l'artiste, il est donc rentré dans le Guinness des records en alignant 25 heures et 15 minutes de freestyle. Merci, 6h18, à suivre la météo. Énergie, Nouvelle-Calédonie. Identification. 93.5. Et si je veux des goulottes électriques? Et si je veux des prises encastrables? Et si je veux du câble électricomètre? Et si je veux... Eh bien justement, chez Gédimat, on a bien écouté tout ce que vous vouliez. Et on a décidé de mieux vous servir. Électricité, ampoule, réglette. Gédimat, des fondations aux finitions. Gédimat, c'est deux magasins. Nouméa et Conné. Ou sur www.gedimat.fr. L'ASFAC, votre spécialiste de la pièce détachée automobile, outillage et peinture automobile, 27 87 87. Ouverture des inscriptions en août. CAP, BAC, BTS et Bachelor. L'alternance, un diplôme, un salaire. Inscription au point apprentissage. Plus d'infos sur le www.apprentissage.nc. En octobre, c'est les Free Days de la BNC. Et oui, tous les mercredis, c'est porte ouverte pour nous, les jeunes, dans toutes les agences. Alors viens, tranquille, hein, sans rendez-vous, rencontrer un conseiller. Ouvre un compte à la BNC, c'est gratos pendant un an. Et tu peux gagner un Samsung S6 et ton casque de réalité virtuelle. Waouh ! Offre soumise à condition, valable jusqu'au 31 octobre. Jeu gratuit sans obligation d'achat. Voir modalités et règlements à la BNC. Banque de Nouvelle-Calédonie, la banque en mieux. Envoie 10 sous au 41. Mais non, c'est pas 10 sous qu'il faut envoyer, c'est 100 comme 100 000 francs. Deviens un auditeur gagnant en écoutant Énergie. Bravo! envoie 100 CENT au 41. Énergie t'offre un bon d'achat de 100 000 francs. Valable dans un supermarché de Nouméa. Envoie 100 CENT au 41. 100 pour 100 000 francs. Et tu pourras faire tes courses pendant quelques mois pour seulement 368 francs. Envoie 100 CENT au 41. Et à toi, le bon d'achat de 100 000 francs. Validité 6 mois dans un supermarché de Nouméa. Envoie 100 CENT au 41. Jeu gratuit, bulletin disponible à Énergie. Tirage au sort le 31 octobre à midi en direct sur Énergie. Le bulletin météo d'Énergie. Avec Ménard Occasion, acheter ou vendre sa voiture au meilleur prix, c'est simple et c'est un seul numéro, 41 45 08. On en a fini avec les vents forts d'hier, puisqu'il n'y a plus de vigilance particulière émise par Météo France pour aujourd'hui. Ce matin, le temps est ensoleillé sur la façade ouest. Ailleurs, les nuages porteurs de faibles ondées circulent. Ils sont nombreux et peuvent donner de bonnes averses sur le sud des Loyautés et l'extrême sud. Dans l'après-midi, le temps reste bien ensoleillé sur l'ouest. Ailleurs, des nuages porteurs d'ondées circulent et d'autres se développent sur le relief en donnant des averses. L'alizé de sud-est souffle entre 10 et 15 nœuds, temporairement 20 nœuds sur le sud-ouest, pour des températures maximales qui finalement remontent entre 27 et 30 degrés. Demain, ce sera aussi une belle journée ensoleillée sur l'ouest. Ailleurs, le soleil domine le matin. L'après-midi, des nuages avec des ondées se développent sur le relief et les Loyautés, un petit peu comme aujourd'hui d'ailleurs. Et jeudi, matinée ensoleillée encore. L'après-midi, le ciel est plus mitigé, en particulier sur le relief, avec parfois une averse et quelques nuages qui débordent sur le nord-ouest. L'alizée s'établit entre 10 et 20 nœuds dans la matinée et les températures maximales sont stationnaires. Il est 6h22. La météo, c'est trois rendez-vous quotidiens avec Ménard Occasion. Pour plus d'infos sur nos véhicules, rendez-vous sur notre page Facebook. 6h30, on va souhaiter une bonne fête à Lucas. Toute l'actu de la matinée sur énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Bonjour Delphine. Bonjour JB, bonjour tout le monde. L'université de Nouvelle-Calédonie amorce son virage numérique. Le président de l'UNC a présenté le chantier du pôle numérique et technologique qui devrait voir le jour à la rentrée 2018. Ce sont 2500 m² de locaux haute technologie qui seront destinés à la recherche avec l'installation d'outils de pointe, notamment une plateforme de microscopie électronique ou encore une salle blanche qui demande des conditions extrêmement exigeantes pour des manipulations de précision. Le pôle sera également composé d'un Learning Center qui proposera des modalités d'apprentissage numérique aux étudiants. La première pierre de ce chantier, qui a été chiffrée à 1,7 milliard, sera posée par la ministre de l'Éducation nationale lors de sa visite la semaine prochaine. Le Galaxy Note 7 est désormais interdit dans les avions en Nouvelle-Calédonie. Les armes à feu, les briquets, les matières radioactives, les bouteilles de gaz et maintenant les Galaxy Note 7 de Samsung sont donc interdits dans les airs. À partir d'aujourd'hui, ces smartphones, sujets à d'importants problèmes de batterie en raison de risques potentiels d'incendie, sont donc bannis des avions des compagnies aérienne Air Calin et Air Calédonie, à l'instar de nos voisins australiens et néo-zélandais. Les pompiers de Nouméa font leur grand retour en photo dans un calendrier brûlant, photographié par Emmanuel Righetti, les soldats du feu de Nouméa, dont une soldate pose ainsi dans diverses tenues et différentes positions avec leurs instruments de travail. Cette nouvelle édition 2017 était apparemment réclamée à corps et à cri. Surtout, ce succès quasi assuré de vente a une véritable utilité. Les recettes seront en effet destinées à financer des projets et améliorer leurs conditions de travail. Le frère de Salah Abdeslam lui demande de s'exprimer. Les avocats de Salah Abdeslam ont annoncé, on le rappelle, le 12 octobre qu'il renonçait à assurer la défense du djihadiste en raison de son mutisme qu'ils attribuent en partie à ses conditions de détention. Je demande à mon frère de s'exprimer, ainsi déclaré Mohamed Abdeslam, rappelant avoir appelé Salah à se rendre à la justice quelques jours après les événements de Paris. Selon Mohamed, son frère s'était déclaré prêt à s'exprimer lorsqu'il avait rendu visite en Belgique quelques mois après. C'est une autre personne que j'ai en face de moi. J'ai constaté qu'il était plus en retrait, plus renfermé sur lui-même, a-t-il ajouté, précisant avoir vu son frère il y a donc un mois. Et puis François Hollande a effectué lundi la troisième visite de son quinquennat sur le site emblématique de Florange, dont les hauts fourneaux ont fermé en 2013. FO et la CGT avaient, elles, décidé de boycotter la visite. Aujourd'hui, je peux le dire sans crainte d'être démenti, tous les salariés des 629 ont été reclassés sur place sur le site et les autres sont partis à la retraite. Un plan social n'a pas eu lieu, a-t-il déclaré. Enfin, l'Autriche a décidé de raser la maison natale d'Adolf Hitler pour éviter que la bâtisse, vide depuis plusieurs années, ne devienne un lieu de pèlerinage néo-nazi, faute de conciliation possible avec son insaisissable propriétaire. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Oye el mundo y Beto, aquí el nuevo son, la super buena. ¿Para quién? One more time. Yeah. journée, c'est le Morning Énergie. Avec Matériaux Center, 7000 mètres carrés de matériaux de construction pour réaliser et bâtir vos projets. 28 04 04. Allez, je suis allé fouiller dans la... les archives d'énergie. On a parlé tout à l'heure, on a entendu une chanson avec laisse parler les Kumas. C'était Zao. Mais ça veut dire quoi les Kumas? Et peut-être on écoute un extrait. Bah, les Kumas, justement, c'est ceux qui parlent, hein, c'est ceux qui pipelettent là derrière notre dos. Mais nous, c'est pas des pipeletteries, non, non, non. Nous, c'est du vrai. C'est l'horoscope qui arrive maintenant. Tous les jours, découvrez signe par signe ce que vous réservent les astres pour votre avenir avec les bijouteries Chloé et Maison de la Montre, Centre-Ville, Port-Plaisance et Belleville. Bonjour à tous, aujourd'hui mardi 18 octobre, votre horoscope avec les Béliers, votre vie de famille sera une source de satisfaction. Vous aimerez avoir vos propres idées et ne pas être influencé. Taureau, vous réparerez les erreurs du passé en étant moins exigeant envers l'autre. Si vous êtes célibataire depuis peu, les Gémeaux, vous retrouverez le plaisir de séduire et de sortir avec vos amis. Cancer, vous serez excessivement passionné et amoureux comme au premier jour. Le bonheur n'est pas si loin. Amis Lion, retrouvez le sourire. Il ne faut surtout pas baisser les bras. Vierge, vous vous sentez un peu nerveux. Il faut dire que votre carrière vous prend beaucoup d'énergie. Balance, vos amis sont très présents. Ils vous dynamisent, vous apportent ce qu'il vous manque. Scorpion, vous serez à la recherche d'un amour solide, résistant à toute épreuve. Sagittaire, vous vous sentez l'âme créative. Vos idées seront des plus original. Aujourd'hui, malgré tous vos efforts, les Capricornes, vous n'arriverez pas à rencontrer quelqu'un de valable sur le plan affectif. Verseau, vous devrez faire face à une situation délicate. Il faudra réfléchir avant de faire un choix irrévocable. Et les Poissons, vous qui n'avez jamais d'avis tranché, aujourd'hui, il va falloir prendre une décision. Excellente journée à tous. L'horoscope avec les bijouteries Chloé et Maison de la Montre, Centre-Ville, Port-Plaisance et Belleville. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Sur Énergie avec Karma. Tous les matins de la semaine, rendez-vous dans le Morning d'Énergie. Avec Matériau Center, réalisez vos projets sur www.matériaucenter.nc. Moi, je vous parlerai de Lucas dans un instant et Delphine. Eh bien, du pôle numérique et technologie qui devrait voir le jour à l'Université de Nouvelle-Calédonie. Ça sera pour la rentrée 2018. Lucas, ça nous vient du grec blanc ou brillant. Alors, Lucas est une forme ancienne du prénom Luc, longtemps délaissé, mais qui a été très plébiscité à partir de 1980 jusqu'à atteindre le top des prénoms masculins les plus donnés. En effet, Lucas était le prénom numéro 1 donné en 2013 en France pour les garçons, mais globalement, le top 1 pour l'ensemble des prénoms. Donc, franchement, là, c'est le prénom du moment. Il est porté par environ 12 000 personnes en ce moment. On estime qu'il a été donné à un garçon sur 56 en 2012. L'âge moyen de Lucas est de 13 ans et le caractère de Lucas, eh bien, son domaine de prédilection, c'est la réflexion et grâce à elle, il développe certaines aptitudes comme le sens de l'organisation et de la méthode. Énergie Nouméa, 93.5. Envie de créer votre potager en carré? Découvrez nos vidéos Jardin Conseil sur Facebook Botanéa Pépinière. Botanéa Pépinière, les experts du jardin. Ouvert 7 jours sur 7 à Dambéa ou sur www.botanéa.nc. Oui, Quick ! Ça y est, Quick a ouvert un nouveau restaurant à Dimbéa-sur-Mer. C'est juste en face du Midipôle. Une salle et une terrasse magnifiques, une aire de jeu géante, un drive, et ils font même la livraison à domicile gratuite jusqu'à Coutuo. Moi je dis que c'est super, super, super ! Quick Midipôle, votre nouveau Quick à Dimbéa-sur-Mer. Quick ! Le coup d'en faire plus ! Quick ! Alors, t'y allais à la boutique La Vie de l'Homme Moderne, Place Victoire ? Non. Depuis que je voulais m'y arrêter, en plus. Mais t'es un vrai bourrin ! C'est des cadeaux pour les hommes ! Et on peut se garer facile, en plus ! Ok, ok, bah tiens, j'y vais, et tout de suite ! La boutique La Vie de l'Homme Moderne, Place Victoire, plein de gadgets marrants et originaux, déjà en cours d'arrivage pour les fêtes. C'est déjà l'été chez Billabong. Une sensation unique. Collection Spring inspire un sentiment de liberté, de voyage et d'aventure. Billabong vous offre la beach culture australienne et son lifestyle. Oui, chez Billabong, à Lanzvata et à Kenuin, on est à Surfer's Paradise. Back when all my locals seem so important. Écoute ton cœur, cette sensation, c'est Billabong. Soyons détendus et restons allumés. Ça se passe dans C'est le Break, de 14h à 16h. Avec Diva Fashion, pour être top de la mode, 4e kilomètre 449 490. Chez Diva, on y va. C'est le Break, avec Laetitia. Jeux, infos, web, ciné, sport, musique. Avec Diva Fashion, des nouveautés toutes les semaines. Diva Fashion habille aussi tous les hommes. Yeah. Énergie Nouvelle-Calédonie. Music Station. Nous, c'est Énergie Non-Stop. Energy, it's music only. Are you ready? God knows I've fallen. Excellent garçon, il s'appelle Osier. Allez, c'est là, on va passer à la tranche info sur Énergie. Nouveau Coca-Cola chérie. Le goût de Coca-Cola avec une touche fruitée de cerise pour encore plus de plaisir. Dégustez-le bien frais pour encore plus vous désaltérer. Vous aussi, vivez l'expérience Coca-Cola chérie. Existe également en Coca-Cola Zéro. Ça vaut l'instant. Énergie Nouvelle-Calédonie. 93.5. Allez, il y a encore du soleil aujourd'hui, les nuages viendront un petit peu plus tard dans la journée. Il est 7h, merci d'avoir choisi Énergie. Bonne fête à Lucas. De la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Un pôle numérique et technologique devrait voir le jour à l'Université de Nouvelle-Calédonie à la rentrée 2018. Et puis François Hollande défend son bilan lors d'une visite sur le site de Florange. Et enfin, la maison natale d'Hitler va être rasée. Mardi 18 octobre, c'est le 292e jour de l'année. Bonjour Delphine. Bonjour JB, bonjour tout le monde. On commence avec l'Université de Nouvelle-Calédonie qui amorce son virage numérique. Et le président de l'UNC a présenté hier le chantier du pôle numérique et technologique qui devrait voir le jour à la rentrée 2018. Ce sont 2500 m² de locaux haute technologie qui seront destinés à la recherche ainsi qu'à un learning center. Le bâtiment permettra de concentrer l'ensemble des chercheurs de sciences exactes appliquées de l'université dans un espace doté d'outils de pointe. De son côté, le learning center comptera également une salle de montage et un studio de télévision. Gaël Lagadec, président de l'université, revient sur les avantages dont a lieu pour les étudiants. Le pôle numérique et technologique qui comprend des infrastructures de recherche pour héberger nos laboratoires de sciences exactes. Elle comprend également une dimension qu'on va dire learning center. Ça correspond à tout ce qui a trait aux nouveaux apprentissages à travers les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ça va apporter aux étudiants des enseignements complémentaires qui vont être plus en phase avec les usages numériques de la jeunesse. Et quand je dis complémentaires, c'est pour dire que les écrans, le numérique, Internet vont pas remplacer les enseignants, mais vont se rajouter aux enseignements de façon, par exemple, à pouvoir suivre un cours en amphithéâtre, si on le veut, et à le revisionner sur une tablette le soir. Beaucoup de nos étudiants ont des difficultés, notamment quand ils arrivent à l'université. Donc l'idée n'est pas de les laisser face à un écran, mais d'avoir un encadrement qui se fait autant que possible en petits groupes, mais surtout auquel est ajouté les capacités numériques qui permettent à chacun aussi de travailler selon son propre rythme et ses propres disponibilités. La première pierre de ce chantier, qui a été chiffrée à 1,7 milliard, sera posée par la ministre de l'Éducation nationale lors de sa visite la semaine prochaine. Le Galaxy Note 7 est désormais interdit dans les avions. Les armes à feu, les briquets, les matières radioactives, les bouteilles de gaz et maintenant les Galaxy Note 7 de Samsung sont interdits dans les airs. À partir d'aujourd'hui, ces smartphones sujets à d'importants problèmes de batterie en raison de risques potentiels d'incendie sont donc bannis dans les avions des compagnies aériennes Air Calin et Air Calédonie, à l'instar de nos voisins australiens et néo-zélandais. Poum, en colère après un acte de vandalisme. Mercredi, jeudi et vendredi, les services techniques et certains autres services municipaux seront fermés à Poum. C'est la décision prise par la maire Henriette Emmaé après l'incendie d'une pelle hydraulique à la carrière d'Igny dans la nuit de vendredi à samedi. Pour la mairie, pas de doute, il s'agit d'un acte de vandalisme qui pousse un peu plus la stratégie de nuisance à la gestion de la commune adoptée depuis le scrutin de 2014 par certains opposants de l'équipe en place. Les services techniques étaient en débrayage hier, se plaignent d'agressions et d'insultes récurrentes, notamment aux abords de cette carrière dont la mairie a entrepris la sécurisation pour mettre en conformité les autorisations d'exploitation. Gare à l'arnaque au président. La CCI a lancé l'alerte auprès des entreprises. Un escroc contacte des comptables de grandes entreprises pour effectuer des virements. L'auteur ou l'un des complices pénètre dans les boîtes mail personnelles et professionnelles, mais également les comptes des réseaux sociaux d'un chef d'entreprise. Il attend alors que le président, fasse un déplacement à l'étranger, puis contacte généralement le comptable de l'entreprise en usurpant l'adresse mail de l'un des dirigeants afin de lui demander de procéder en urgence au versement d'une somme importante à l'étranger. Et bien déjà au moins une dizaine d'entreprises calédoniennes ont été contactées et certaines, dont le montant n'a pas encore été communiqué, sont tombées dans le panneau. Les pompiers de Nouméa font leur grand retour en photo dans un calendrier brûlant. Et photographiés par Emmanuel Righetti, les soldats du feu de Nouméa, dont une soldate, posent ainsi dans diverses tenues et différentes positions avec leurs instruments de travail. Cette nouvelle édition 2017 était apparemment réclamée à corps et à cri. Surtout, ce succès quasi assuré de vente a une véritable utilité. Les recettes seront en effet destinées à financer des projets et à améliorer leurs conditions de travail. Le frère de Salah Abdeslam lui demande de s'exprimer. Les avocats de Salah Abdeslam ont annoncé, rappelez-vous, le 2 octobre, qu'il renonçait à assurer la défense du djihadiste en raison de son mutisme qu'ils attribuent en partie à ses conditions de détention. Je demande à mon frère de s'exprimer. Voilà ce qu'a déclaré lundi Mohamed Abdeslam, rappelant avoir appelé Salah à se rendre à la justice quelques jours après les événements à Paris. Selon Mohamed, son frère s'était déclaré alors prêt à s'exprimer lorsqu'il lui avait rendu visite en prison en Belgique. Quelques mois après, dit-il, c'est une autre personne que j'ai en face de moi. J'ai constaté qu'il était plus en retrait, plus renfermé sur lui-même. Il précise qu'il a vu son frère la dernière fois il y a un mois. Hollande estime avoir tenu ses engagements à Florange. Le chef de l'État a effectué lundi la troisième visite de son quinquennat sur le site emblématique dont les hauts fourneaux ont fermé en 2013. FO et la CGT avaient, elles, décidé de boycotter le site. Aujourd'hui, a-t-il déclaré, je peux le dire sans crainte d'être démenti. Tous les salariés, les 629, ont été reclassés sur place sur le site de Florange et les autres sont partis à la retraite. Un plan social n'a pas eu lieu. Le chef de l'État a assuré que les 180 millions d'euros d'investissement promis par ArcelorMittal ont été réalisés. Il s'agissait du deuxième engagement fait par l'exécutif en novembre 2012. Puis enfin, il s'est félicité de la création d'un institut de recherche à Uckange, ce qui correspond à son troisième engagement. La maison natale d'Hitler va être rasée. Et l'Autriche a décidé de la raser pour éviter que la bâtisse, vide depuis plusieurs années, ne devienne un lieu de pèlerinage néo-nazi, faute de conciliation possible avec son insaisissable propriétaire. La nouvelle construction aura un usage administratif ou éducatif. Vienne entend ainsi mettre fin à plusieurs années de batailles juridiques et de débats sur le sort de cet encombrant héritage dans un pays où, contrairement à l'Allemagne, le travail de mémoire sur la période nazie a été entamé tardivement. En Irak, l'offensive pour la reconquête de Mossoul s'annonce longue et difficile. Et cela faisait des mois qu'elle était en préparation. L'offensive lancée sur la ville irakienne, bastion de l'organisation État islamique qui la contrôle depuis juin 2014, a donc commencé. Elle a été annoncée par la télévision, par le Premier ministre irakien. Un moment décisif dans la lutte contre l'État islamique, selon le secrétaire américain à la Défense, alors que l'ONU, de son côté, fait part de sa forte préoccupation sur le sort du 1,5 million de civils qui vivent à Mossoul. L'armée irakienne a d'ailleurs largué des milliers de tracts pour prévenir la population de l'offensive. On termine par une info insolite. Lorsque l'on est intérimaire, JB, soit on est motivé parce qu'on se dit on va peut-être avoir d'autres postes, soit on s'en moque un petit peu parce qu'on sait que c'est juste un temps. Oui. Eh bien, ce jeune facteur intérimaire, lui, tu sais ce qu'il a fait ? Il a carrément jeté le courrier dans la nature. Ah oui, pas bien. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il lui avait donné un vélo, il n'y avait pas de salle dessus. Il dit, oh non, il y en a marre. Je peux même plus mettre de suppositoire. Non, ça suffit. Tu pars dans toutes les directions. Mais non, JB, le foot lui a fait perdre la tête. Ah bon ? Attends, tu peux pas comprendre ça. Tu sais quoi ? Il avait peur que sa tournée s'éternise et il ne voulait surtout pas manquer le coup d'envoi du match de foot qui opposait Nancy au PSG samedi à 17h. Et du coup, il a jeté les sacs avant même d'avoir essayé de les distribuer. Sauf que directement dès le matin, ils ont été retrouvés près d'un lac. Ils ont tout de suite su que c'était lui. Et ben pas de chance parce que au coup d'envoi du match, il était en garde à vue. De toute façon, son équipe a perdu. D'accord. Pas très mal, le postier. Bon, je pense. Et ça faisait une semaine qu'il était en intérim. Oui. Bon, ça c'est fait. Toi, t'es grillé. C'est pas mal. Merci, Delphine. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. c'est le Morning Energy. Avec Matériau Center, l'univers des matériaux de construction à Ducos, Zico Paita et Point Boot. La nouvelle incroyable qui est tombée avec le Galaxy Note 7 de Samsung, qui est une arme désormais interdite dans les avions en raison du risque d'explosion de ces batteries qui peuvent prendre feu à tout moment. Et donc c'est même interdit dans les appareils en cabine, et même si vous l'éteignez dans les bagages cabine, c'est interdit, et dans les bagages en soute aussi. Donc tu peux faire la contrebande de Nutella, mais surtout pas de Galaxy Note 7. Ça c'est interdit. Donc faites gaffe, hein, si vous prenez les avions dans les prochains jours. C'est valable pour Air Calédonie comme pour Air Cal. Il est 7h12, bonne matinée. Et en regardant en direction du ciel, le ciel est bleu ce matin. Vous verrez même la lune. C'est pas la pleine lune là, dites donc, en ce moment. Énergie Nouvelle-Calédonie 93.5. Vous voulez un secret pour vendre facilement vos jeux vidéo, votre matériel informatique, vos bijoux, bref, convertir tous vos objets en cash? Eh bien, approchez-vous, là, près du poste. Ça y est? Allez dans le magasin Cash Converters qui vient d'ouvrir près de chez vous. Ils convertissent tous vos objets en cash! Ah oui, ça surprend. Cash Converters convertit tous vos objets en cash! Nouveau Cash Converters à Ducos. 11 route de la Baie des Dames. www.cashconverters.nc. Le Cinécity présente Cigogne et compagnie en 3D. Au commencement, les cigognes livraient des bébés. Aujourd'hui, les cigognes livrent des paquets pour cornerstore.com. On va livrer ce bébé. Je te montre comment ça vole. Je suis un oiseau volé, je dois savoir. Cigogne et compagnie en 3D, actuellement au cinéma. Cinécity, projecteur d'émotions. C'est déjà l'été chez Billabong. Une sensation unique. Collection Spring inspire un sentiment de liberté, de voyage et d'aventure. Billabong vous offre la beach culture australienne et son lifestyle. Oui, chez Billabong, à Lansvataï à Kenuin, on est à Surfer's Paradise. Écoute ton cœur, cette sensation, c'est Billabong. Collégiens, lycéens, familles et chefs d'entreprise, la semaine de l'apprentissage est faite pour vous. Du 24 au 28 octobre, découvrez l'apprentissage. Des formations pour les métiers du commerce, de l'industrie, des services, de l'artisanat et de l'agriculture. Un contrat de travail, un salaire et un diplôme, l'apprentissage, c'est le tremplin pour l'emploi. Retrouvez les animations sur l'IFU, Point Boot et Nouméa sur Facebook. Semaine Apprentissage NC. Le Caillafou Chaud. Avec le nouveau Twix White, édition limitée. La nouvelle barre Twix avec un biscuit croustillant recouvert de caramel et enrobé de chocolat blanc. Le Caillafou Chaud. De la musique, des jeux, des rubriques. C'est le Caillafou Chaud de 16h à 19h. Le Caillafou Chaud. Avec Twix White, en ce moment, découvre l'instant gourmand à prix mini pour encore plus de plaisir. De 16h à 19h, deviens complètement Caillafou sur Énergie. Énergie. Énergie. Nouvelle-Calédonie. J'écoute l'énergie partout. Énergie. It's music only. Yeah. avec Matériau Center. Réalisez vos projets sur www.matériaucenter.nc. L'info média du jour, c'est que Kim Kardashian ne dansera pas jusqu'au bout de la nuit pour fêter ses 36 ans cette année. Et non, l'heure n'est pas à la fête pour la femme de Kanye West. Elle est toujours traumatisée par l'agression dont elle a été victime à Paris pendant la Fashion Week. Souvenez-vous, des malfaiteurs l'ont bâillonnée et ligotée pour lui dérober plus de 10 millions d'euros de bijoux et d'accessoires. Alors depuis cette nuit de cauchemar à Paris, Kim Kardashian préfère rester auprès de sa famille. Elle aurait même confié à ses proches qu'elle avait tout au long de la journée des flashbacks sur son agression. Elle a donc fait une croix sur la somptueuse fête d'anniversaire qu'elle avait programmée le 28 octobre dans un nightclub très huppé de Las Vegas. Alors l'année dernière, on se souvient que Kanye West lui avait fait une surprise en privatisant un cinéma entier pour elle à l'occasion donc de ses 35 ans. Et on ne sait pas si le rappeur a déjà réservé le prochain cadeau. En tout cas, cette année, il devra rester très discret. Énergie Nouméa. 93.5. Vous avez plus de 24 ans ? Vous êtes passionné d'automobile ? Peugeot Nouvelle-Calédonie organise un casting de pilotes d'essai pour tester en avant-première les nouveautés Peugeot. Inscription avant le 30 octobre sur www.essai.peugeot.nc. Seulement 6 places disponibles. Ménard Automobile, 41 44 70. Monsieur Bricolage, on peut compter sur lui. Jusqu'au 23 octobre, profitez de l'opération piscine plein air chez Monsieur Bricolage, Ducos, Kenwyne et maintenant Conné. Fauteuil suspendu double, 94 900 francs. Combiné barbecue ou four à pizza à gaz, 79 900 francs. Bain de soleil, swing futon, terracotta, plus coussin, 21 900 francs. Monsieur Bricolage, Ducos, Kenwyne et Conné. On peut compter sur lui. Trois magasins plus proches de chez vous. Gagne un bon d'achat de 4000 francs au restaurant Le Bilbo Quai Plage en envoyant Bilbo au 3004. Deux gagnants par jour. Tirage au sort à 9h et à 18h. Bonne chance. Jeu concours gratuit sans obligation d'achat. Règlement du jeu disponible au Bilbo Quai Plage. 140 francs le SMS. Pour gagner un repas au Bilbo Quai Plage, envoie Bilbo au 3004. Bon appétit. Alors, t'y allais à la boutique La Vie de l'Homme Moderne, Place Victoire ? Non. Depuis que je voulais m'y arrêter, en plus. Mais t'es un vrai bourrin ! C'est des cadeaux pour les hommes ! Et on peut se garer facile, en plus ! Ok, ok, bah tiens, j'y vais, et tout de suite ! La boutique La Vie de l'Homme Moderne, Place Victoire, plein de gadgets marrants et originaux, déjà en cours d'arrivage pour les fêtes. Envoie 10 sous au 41. Mais non, c'est pas 10 sous qu'il faut envoyer, c'est 100, comme 100 000 francs. Un auditeur gagnant en écoutant Énergie. Bravo! Envoie 100 CENT au 41. Énergie t'offre un bon d'achat de 100 000 francs. 100 000 francs. Valable dans un supermarché de Nouméa. Envoie 100 CENT au 41. 100 pour 100 000 francs. Et tu pourras faire tes courses pendant quelques mois pour seulement 368 francs. Envoie 100 CENT au 41. Et à toi, le bon d'achat de 100 000 francs. Validité 6 mois dans un supermarché de Nouméa. Envoie 100 CENT au 41. Jeu gratuit, bulletin disponible à Énergie. Tirage sort le 31 octobre à midi en direct sur Énergie. Bionature, c'est tous les lundis sur Énergie entre 9h et 10h. Avec Passion Macaron, l'unique boutique artisanale dédiée aux macarons en face du collège de Tuban. 28 31 21. Tous les lundis dans l'Happy Time de Misma, une méthode, une plante, une technique, une huile à découvrir, c'est la rubrique Bionature d'Énergie. Avec Passion Macaron, gâteau individuel, verrine, grand macaron. Découvrez toutes les infos sur Facebook. Bionature, le rendez-vous bien-être et santé. Un météo d'énergie. Avec Ménard Occasion, acheter ou vendre sa voiture au meilleur prix, c'est simple et c'est un seul numéro, 41 45 08. Le temps établi par Météo France, ou en tout cas les prévisions, nous disent que ce matin le temps est bien ensoleillé sur la façade ouest. Ailleurs, des nuages porteurs de faibles ondes circulent et ils sont nombreux et peuvent donner de bonnes averses sur le sud des Loyautés et l'extrême sud. Et puis dans l'après-midi, le temps reste bien ensoleillé sur l'ouest. Ailleurs, des nuages porteurs d'ondes circulent et d'autres se développent sur le relief en donnant des averses. Nous avons analysé d'est à sud-est qui souffle entre 10 et 15 nœuds, temporairement 20 nœuds sur le sud-ouest. La météo, c'est trois rendez-vous quotidiens avec Ménard Occasion. Pour plus d'infos sur nos véhicules, rendez-vous sur notre page Facebook.

rendez-vous tous les matins de la semaine pour commencer la journée avec la banane. Le gag d'énergie proposé par le restaurant La Terrasse du Hilton. Venez découvrir notre nouveau concept, les Buddha Bowls, tous les midis, du lundi au vendredi. Et je suis allé vous chercher dans nos archives un sketch de Fernand Reynaud. Ah, ça date, hein. Il y a comme un défaut. C'est pas trop long, non? Bonjour, monsieur le tailleur. C'est moi que je suis venu il y a deux jours chercher mon costume. Vous vous souvenez de moi? Je m'excuse de vous demander pardon. Seulement, c'est les copains. Ils m'ont dit ton nouveau costume. C'est pas qu'il te va mal, il te va même bien. Au premier abord. Seulement au deuxième abord, en regardant bien, ils m'ont dit là, il y aurait comme un défaut, ça nous étonnerait pas. Entrez dans, mon cher ami. Eh bien, on peut dire que je vous ai fait un beau costume à vous, hein. Et puis du beau tissu. Tâtez-moi ça. C'est du nylon éponge. Il pleut, ça absorbe tout. Vous êtes content du tissu? Ça, le tissu, je suis content. J'en saute de joie, non. Seulement, c'est les copains. Hein. Parce que vous savez, ça va vous paraître curieux, vous, mais dans le milieu où je vis, moi, avoir un costume neuf, c'est un événement. Le soir au bar-tabac, il y a tous les copains qui sont là, alors faut offrir l'apéritif, ça s'arrose. Alors les potes, ils sont là, tourne-toi un peu pour voir, marche un peu pour qu'on se rende compte. Reviens, si tu peux. Alors, ils m'ont dit, dans le dos, tu l'as pas tellement dans le dos. Mais alors devant, alors là, tu l'as dans le dos, quoi. Et la doublure? De la satinette de Maubeuge. Mélangée avec du crêpe de Chine. Et le crêpe de Chine, faut payer le voyage. Dites-moi pourquoi vous n'êtes pas content de la doublure? Mais j'ai jamais dit ça. La doublure, le tissu, tout, je suis content, seulement son. C'est les copains. Ils m'ont dit là, il y a comme un défaut. Je voulais pas vous le dire, monsieur, au début. Je voulais pas vous vexer, mais vous vous tenez mal. Ce costume que j'ai fait est impeccable. Mais si vous vous tenez mal, forcément qu'il y aura comme un défaut, naïf, comme Irgoï, comme, bien ici. Regardez-vous devant la glace et tenez-vous droit. Vous êtes un homme, que diable! Relevez l'épaule gauche. Un centième. Attendez, voilà, vous avez chaud. Relevez l'épaule gauche, un centième, un quart de poil. Là, vous voyez, tout de suite, la différence. C'est ma foi vraie. Si je relève l'épaule... Oui, mais alors là... Il y a comme un défaut. C'est parce que vous vous tenez mal. Bougez pas l'épaule gauche. La droite, ramenez-la. Sans bouger la gauche. Où c'est qu'il y a un défaut, là-dedans? C'est ma foi, vrai. Si j'enlève l'épaule... Oui, mais alors le bouton, là, par rapport au nombril... Il pense déjà, lui, aux vacances de Pâques, voyez-vous. C'est parce que vous vous tenez mal. Écoutez, je connais mon métier, monsieur. Il y a 15 ans que je suis au carreau du temple, hein, alors... Relevez la hanche droite, puis bon, commencez par ma main. J'ai une tranche comme ça avec vous, hein. Relevez la hanche droite, bougez pas les épaules. Écrasez-vous sur la hanche gauche. Écrasez-vous bien sur la hanche gauche, là. Il tombe pas bien, ce costume? C'est ma foi vraie. Si je me tiens comme ça, tout tombe bien. Là, je me tiendrai toujours comme ça. Voilà. Voilà. Je me tiendrai toujours comme ça. Je suis navré de vous avoir dérangé. Mais, vous savez, moi, dans le milieu où je vis, avoir un costume neuf, c'est un événement. Alors les copains, ils m'ont dit, tiens, tu vas retourner voir ton tailleur. Thank you.

À suivre sur Énergie, Van der Kroot qui nous dira quelle est donc la série télévisée la plus longue au monde. C'était l'anniversaire des célébrités sur Énergie avec votre nouveau SAV Samsung Nouvelle-Calédonie à Ducos, 28 73 deux fois. Énergie Nouvelle-Calédonie. Identification. 93.5. Ouais, j'ai gagné. Et ça continue avec des gagnants toute l'année chez Shell. Et si c'était votre tour? Jusqu'au 17 mars 2017, remplissez votre bulletin de jeu dans les stations Shell et Pacifique pour gagner 3 Ford Ranger, 3 iPhone, 3 iPad et des bons de carburant. Jeux gratuits sans obligation d'achat. Règlement disponible à SSP. Ouverture des inscriptions en août. CAP, BAC, BTS et Bachelor. L'alternance, un diplôme, un salaire. Inscription au point apprentissage. Plus d'infos sur le www.apprentissage.nc. L'apprentissage, moi le messager. Connexion internet, fax et scan. Cyber.nc. Imprimante, reliure et plastification. Cyber.nc. L'écrivain public qui vous aide à rédiger vos courriers, lettres de motivation et CV. Ça, c'est signé Cyber.nc. Cyber.nc, le cyber qui t'accompagne. Derrière le musée de la ville. L'ASFAC, votre spécialiste de la pièce détachée automobile. Outillage et peinture automobile. 27 87 87. Hey, en octobre, c'est les Free Days de la BNC. Et oui, tous les mercredis, c'est porte ouverte pour nous, les jeunes, dans toutes les agences. Alors viens, tranquille, hein, sans rendez-vous, rencontrer un conseiller. Ouvre un compte à la BNC, c'est gratos pendant un an. Et tu peux gagner un Samsung S6 et ton casque de réalité virtuelle. Waouh! Offre soumise à condition, valable jusqu'au 31 octobre. Jeu gratuit sans obligation d'achat. Voir modalité et règlement à la BNC. Banque de Nouvelle-Calédonie, la banque en mieux. C'est déjà l'été chez Billabong. Sensation unique. Les nouvelles collections Spring inspirent un sentiment de liberté, de voyage et d'aventure. Billabong vous offre la beach culture australienne et son lifestyle. Oui, chez Billabong, à Lanzvata et à Kenuin, on est à Surfer's Paradise. Back when all my locals seem so important. Écoute ton cœur. Cette sensation, c'est Billabong. Découvrir les dernières tendances multimédia, high-tech et internet? Écoutez la rubrique multimédia sur Énergie. Une connexion réalisée par Nautil, votre fournisseur d'accès internet. Tous les mercredis à 16h10, petit tour d'horizon de l'actu et des dernières innovations qui font frémir la planète. Et pas besoin d'être un geek pour comprendre. Pour ne plus être largué par la technologie, branchez-vous multimédia. Une connexion réalisée par Nautil, votre fournisseur d'accès internet. Énergie Nouvelle-Calédonie. C'est de la bombe, énergie, music only. Music only. La minute du professeur Van der Kroot, c'est rigolo, mais rien n'est faux. Avec Cuisine Plus, conseil et recherche du meilleur rapport qualité-prix. Cuisine Plus, au Plexus, chez Socapor, donnez un sens à votre décor. Les questions existentielles du professeur Van der Kroot. Quelle est la série télévisée la plus longue au monde? Forcément, elle est américaine. Professeur. Ah non, mais on s'aime, on se déchire et on pleure aussi dans... Dallas. Petit joueur, 357 épisodes Dallas, c'est 50 fois moins que notre... Amour, gloire et beauté. Ben dites donc, vous êtes déchaînés, il a pas pris ses pilules ce matin le petit? Ne cherchez plus, stagiaire Bernardin. La série la plus longue du monde n'est autre que Haine et Passion. La série met en scène la famille Bauer, leurs amis, les Spalding... Salaud. Enfin, ex-amis, qui eux-mêmes sont en guerre avec les Chamberlain... Chamberlain, crétin. Rajoutez à cela les Reardon et les Lewis, et vous voilà partis pour 57 ans de drames familiaux, guéguerre de succession et indigestion télévisuelle. Entre 1952 et 2009, ce sont 15 762 épisodes qui ont été tournés, entièrement sponsorisés par une grande marque de mouchoirs américains. Il y en a besoin. 15 762 épisodes de 42 minutes, ce qui nous fait 11 000 heures de haine et passion, soit 460 jours non-stop. Oh, je crois que je vous ai trouvé une occupation pour l'année et demie à venir, stagiaire Bernardin. Non, merci. Il y a deux containers de DVD dans la cour. Les cacahuètes et les tucs sont dans la troisième. Allez, bonne vacances. Vous saurez tout dans la minute du professeur Van der Kroot. Avec Cuisine Plus, chez Socapor Plexus Ducos, créez la cuisine qui vous ressemble. Fabrication 100% européenne, solidité et finition haut de gamme.

Nouvelle-Calédonie. Energy. 93.5. Les 8h00 et bonne fête à Lucas, à Luc, à Gwen ou encore à Gwenola en ce mardi 18 octobre. Il y a du soleil dans le ciel. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Bonjour Delphine. Bonjour JB, bonjour tout le monde. L'université de Nouvelle-Calédonie amorce son virage numérique pour la rentrée 2018. Ce sont 2500 m² de locaux haute technologie qui seront destinés à la recherche avec l'installation d'outils de pointe. Le Galaxy Note 7 est désormais interdit dans les avions de Nouvelle-Calédonie à en cause les problèmes de batterie en raison des risques potentiels d'incendie. Mercredi, jeudi et vendredi, les services techniques et certains autres services municipaux seront fermés à Poum après l'incendie d'une pelle hydraulique de 30 millions. Puis la CCI a lancé l'alerte auprès des entreprises. Un escroc contacte des comptables de grandes entreprises pour effectuer des virements. Les pompiers de Nouméa font leur grand retour en photo dans un calendrier brûlant. Plus sérieusement, les recettes seront destinées à financer des projets et améliorer leurs conditions de travail. Le frère de Salah Abdeslam lui demande de s'exprimer. Les avocats du djihadiste ont annoncé le 12 octobre, on le rappelle, qu'il renonçait à assurer la défense de Salah Abdeslam en raison de son mutisme. François Hollande, déstabilisé depuis plusieurs jours par des confidences explosives à des journalistes, s'est montré combatif lundi en Lorraine pour défendre son bilan à Florange. Et puis l'Autriche qui a décidé de raser la maison natale d'Adolf Hitler pour éviter que la bâtisse vide depuis plusieurs années ne devienne un lieu de pèlerinage néo-nazi. Et enfin, l'offensive lancée sur la ville irakienne de Mossoul, bastion de l'organisation État islamique qui la contrôle depuis juin 2014, a commencé. Énergie. Sport News. Sport News, l'actualité sportive, c'est Sport News avec les pneus Pirelli, la puissance maîtrisée. Et on débute par le championnat anglais. Et le dernier match opposé Liverpool et Manchester United, un match accroché, même si Liverpool a dominé au cours de la première période. Il se termine sur le score nul, 0 partout. Un match au cours duquel Liverpool a donc perdu ses premiers points. En Ligue 2, Sochaux fait chuter Lens. Ouais, Sochaux a profité du manque de réalisme lensois pour s'offrir un court mais important succès. 1-0, c'était en clôture de cette 11e journée de Ligue 2. L'OM a officiellement un nouveau patron. Et tout juste propriétaire de l'OM, Franck McCourt, qui a finalisé le rachat lundi après-midi à Paris, a donc confié qu'il allait investir 200 millions d'euros sur les 4 prochaines années. L'homme d'affaires américain a officiellement racheté l'OM pour la somme de 45 millions d'euros à Margarita Louis-Dreyfus. Et en tennis, Nick Kyrgios est suspendu pour mauvais comportement. Le divan ou le piqué, JB. L'Australien de 21 ans a donc accepté de voir un psy à la demande de l'ATP. Voilà ce qu'annonce la Fédération Australienne. Le 14e joueur mondial verrait alors sa suspension pour comportement antisportif passer de 8 à 3 semaines de tournoi. Il écope également d'une amende de 25 000 $. Celui-ci, on le rappelle, est sanctionné pour avoir balancé son match face à l'Allemand Mischa Zverev la semaine dernière au Master 1000 de Shanghai. Énergie. Sport News. Avec les pneus Pirelli, chez SGIA Pneus Montagne Coupée. Sport News, c'est sur Énergie. Énergie. Sport News. Tous les matins, de 8h à 9h, dans Caféine, c'est Karen qui prend les commandes. Avec Fitzone, découvrez le studio HIIT. Explosivité, minceur et résultats garantis. Plus d'infos au 24 16 80. Bonjour, bonjour et bon mardi au programme de ce jour dans Caféine. Eh bien, je vous dirais que c'est un vrai désastre. Non pas moi, mais le nouveau single de Toblo. En fait, c'est le titre de son single. Tu désastre, un vrai désastre. On écoutera aussi dans le Music News un autre single, Je m'en vais, c'est celui de Vianney. JP, oui, attends, je suis là, m'appelle pas. Voilà. Le single de Vianney, Je m'en vais. Et puis, je vous dirai, selon une étude, qu'est-ce qui nous rendrait vraiment, vraiment heureux. Et puis, on parlera aussi de Madame Playmobil qui fête cette année ses 40 ans. Bah oui, on n'a pas de jeu ce matin, donc on va pouvoir discuter un petit peu. On va écouter pour démarrer, ce sera le groupe Fish, un groupe américain, Breath and Burning, mais il y aura aussi Uba Stank dans quelques instants. Et puis Selena Gomez. Merci de me laisser un message. 25. Monsieur Bricolage, on peut compter sur lui. Jusqu'au 23 octobre, profitez de l'opération piscine plein air chez Monsieur Bricolage, Ducos, Kenuine et maintenant Conné. Douche extérieure bois, droit, 220 par 76 cm avec flexible et douchette 3G, 35 900 francs. Portique bois Natura avec 3 agrès de balançoire, plus un face-à-face, hauteur 1m90, 34 900 francs. Monsieur Bricolage, Ducos, Kenuine et Conné. On peut compter sur lui. Trois magasins plus proches de chez vous. Alors, comment vont les affaires? Plutôt bien depuis que j'ai décidé de communiquer efficacement. Ah oui? Bah, comment tu fais? Eh bien, chaque année, je communique dans l'annuaire de l'OPT et ça marche. Tu devrais faire la même chose. C'est 55 000 exemplaires papier diffusés sur tout le territoire. Et en plus maintenant, l'annuaire est consultable en ligne sur le site www.1012.nc. Alors, qu'est-ce que tu attends? Professionnel, vous aussi communiquez efficacement avec l'annuaire de l'OPT. Réservez dès à présent votre publicité dans l'édition 2017 en contactant les IRN au 26 41 00.